Que dis-tu de mon projet d'envoyer cette lettre à l'atelier au moment où notre chère Hortense y sera seule ? Demanda Valérie à Lisbeth. Hier au soir, j'ai su par Stidman que Venceslas doit l'aller prendre à 11 heures pour une affaire chez Chanor. Ainsi, cette gope d'Hortense sera seule. Après un tour semblable, répondit Lisbeth, je ne pourrai plus rester ostensiblement ton amie, et il faudra que je te donne congé, que je sois censée ne plus te voir, ni même te parler. Évidemment, dit Valérie, mais... Oh, sois tranquille, répondit Lisbeth. Nous nous reverrons quand je serai Madame la Maréchale. Ils le veulent maintenant tous. Le baron seul ignore ce projet, mais tu le décideras. Mais, répondit Valérie, il est possible que je sois bientôt en délicatesse avec le baron. Madame Olivier est la seule qui puisse se faire bien surprendre la lettre par Hortense, dit Lisbeth. Il faut l'envoyer d'abord rue Saint-Dominique avant d'aller à l'atelier. Oh, notre petite Bellotte sera chez elle, répondit Madame Marneffe en sonnant reine pour faire demander Madame Olivier.